Oui, c'était juste une petite remarque, une petite rectification par rapport à ce que vous avez dit pour le choix de Louis-Philippe de la statue de Stanislas. Ça ne peut pas s'inscrire dans la même logique que celle de Charles X, puisque Louis-Philippe étant un Orléans, ni Stanislas ni Louis XV n'est son ancêtre. Donc il y a d'autres motivations, mais La décision de faire la statue est très antérieure. La statue a été inaugurée sous le règne de Louis-Philippe pour des raisons de retard, notamment parce que le bronze n'avait pas pu être coulé correctement la première fois. Le projet de statue date de 1823. Oui, donc on est bien. Donc il date de la restauration. Donc le projet lui-même, il se trouve effectivement par contre que quand la statue a été inaugurée, on a évidemment mis sous le boisseau le caractère, le fait que les Bourbons étaient descendants du roi de Pologne. Et là par contre, on a beaucoup insisté sur le roi de Pologne, dans la mesure où l'opinion avait pris fait et cause pour l'insurrection polonaise contre les Russes qui s'était déroulée en 1830. Mais le projet était antérieur. C'est à ça que je faisais référence et pas à l'inauguration de la statue proprement dite. D'accord, merci. Oui, bonjour. Une simple question. Comment se situe, dans le contexte que vous évoquez, la restauration de la chapelle des Cordeliers ? La restauration s'y intéresse très peu. Il se trouve que le seul moment où on s'y intéressait, c'est quand on a fait le retour des cendres en 1826 des ducs. Là, on l'a restauré. Et le préfet a quand même assisté à la cérémonie, malgré l'existence de forts symboles lorrains, mais sans prendre la parole et de manière relativement discrète. On n'avait pas voulu insister trop là-dessus. Merci. Donc en fait, juste une question concernant les archives judiciaires. Est-ce qu'elles sont une source particulière qui permettrait éventuellement pour vous de montrer un peu mieux l'opinion publique, c'est-à-dire les problèmes de condamnation ? Et je pose suite la deuxième, comme ça après je cède le micro. Et c'est la question du rôle de la presse pour déterminer par rapport au... Est-ce que la presse est moins ciblée par rapport à l'événement ? Est-ce qu'elle va plus largement ou elle est vraiment complètement cadrée par rapport à ce que vous avez évoqué ? Bah, pour répondre, alors la question des sources judiciaires, elles montrent qu'il y a des opposants, mais elles ne montrent pas l'état global de l'opinion. C'est-à-dire qu'elles ont montré qu'effectivement, il y a des gens qui sont hostiles à la restauration, enfin, ce qui n'est pas plus original que ça. Mais c'est... Voilà, après, sur les dimensions proprement lorraines, à ma connaissance, non. Alors donc pour 1866, moi ce que j'ai pu étudier en particulier, c'est la préparation des événements par en particulier un petit groupe de Lorrains, de Nanciens, lotharingistes en particulier. Il y avait malgré tout, donc j'ai pas fait une étude de la presse assez exhaustive on va dire sur la période, malgré tout j'ai pu trouver des échos évidemment dans la presse régionale, des coupures de presse qui étaient dans les dossiers d'archives, etc. Et on trouve finalement en amont de l'événement une presse qui est assez, avec des éditoriaux assez revendicatifs, très lotharingistes pour le coup, et qui vont plus loin finalement que les organisateurs de la fête. Mais je ne sais pas si c'est représentatif, n'ayant pas tout dépouillé. Voilà. Je trouve quand même, en écoutant vos deux interventions, je trouve quand même qu'il y a une faiblesse extrême du passé... Lorrain indépendant dans les périodes du 19e, tant à ce qu'on avait entendu concernant la restauration que le Second Empire, il y a vraiment très peu de choses du passé indépendantiste qui subsistent. Est-ce que ça, c'est pas dû à l'importance de la Révolution française qui a profondément fait table rase du passé indépendantiste et d'ancien régime. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'abord l'intervention concernant la Révolution, parce qu'on aurait vu un peu l'évolution chronologique des choses, plutôt que revenir en arrière, qui ne me semble pas terrible. Mais qu'est-ce qu'il en est du lotharingisme ? Parce qu'on y a fait allusion plusieurs fois, et ce mouvement qui fait référence à la Lorraine indépendante, on ne la voit guère. Mais si je puis me permettre, le lotharingisme n'est pas un indépendantisme. En tout cas, hein, quand on relit les écrits du 19e, en particulier par exemple des fondateurs du musée Lorrain, leur idée première, c'est pas de réclamer le retour à l'indépendance des duchés. Ce qu'ils souhaitent vraiment, véritablement, c'est assurer le rayonnement, asseoir la place de Nancy et faire en sorte que ce qui avait été convenu au moment de la réunion, les libertés locales, soient respectées. Mais il ne s'agit pas de retrouver une indépendance. Et pour ce qui est finalement d'un effacement de l'histoire ducale dans les récits au 19e, moi c'est sûr, comme je vous ai présenté un album d'un point de vue impérial, français, donc un ouvrage de propagande politique très soigneusement, on va dire, écrit, qui à la fois fait des références à l'histoire locale pour quand même parler aux populations, mais en même temps choisit soigneusement ses exemples de manière à ne pas attiser les mouvements éventuellement indépendantistes. C'est sûr que du coup, je vous ai présenté quelque chose d'un peu biaisé. Rapidement, quand même, sur la question, sur la restauration d'abord du lotharingisme, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas tellement de mémoire à ce moment-là. Sur la question de l'héritage de la Révolution, il tient aussi au fait que l'héritage fondamental de la Révolution là-dedans, c'est l'unité de la nation. Et ça, la restauration ne le remet pas en cause. Il y a eu quelques ultra-royalistes qui, effectivement, avaient rêvé de rétablir les provinces d'Ancien Régime, mais ça a fait long feu très rapidement. Ça n'a jamais été sérieusement envisagé. Et donc la raison pour laquelle on ne parle pas tellement de passé local, c'est parce qu'on exalte toujours l'unité de la nation. Ça reste, même si on n'utilise peut-être pas le mot nation, on parle du mot royaume, c'est l'unité du royaume, mais ça revient au même.